se assiedent les doux comme un fruit. Pareil à des vacances, ça nous fait envie. Alors quand on la vit, sourit. Et c'est un saut en ville, la pluie dans les rues, c'est enfin tu. Ton cœur est monotone, oublie le gris, le froid de cet automne. Partons à l'aventure, sous ce ciel d'azur, si bleu, si pur. Même les flaques de nous sourient, fini le ciel gris, l'ennui.